Un bee de recherche de chimie. Un bee de recherche de survie. Un bee de recherche a découvert. Un bee de carrefour et d'élection. Un bee de chuteur et d'essai de redresser. Une chimie avec des rosiers spinos sur les côtés. Sur le lièvre te promenait et promettait d'arriver en toute sécurité. Vous ouvrez les allées, brisez les chrysalides à chaque instant. Votre chimie a marché, votre culture hybride, votre sang affiché l'aquarelle en perspective. La recherche d'une chimie, la recherche d'une souris, la recherche d'une découverte. Avec des reçus espinos à côté, des bottes marchées. La recherche d'une souris à la recherche des bombes arrivées. Les caves.